Tous les hommes sont ivres, d'Oscar Venceslas, de Lubic Miloz. Enregistré pour LibriVox.org. Tous les hommes sont ivres de pluie vieille et sale, au cimetière étrange de Lofoten. L'horloge du dégel tic-tac lointaine au cœur des cercueils pauvres de Lofoten. Et grâce aux trous creusés par le noir printemps, les corbeaux sont gras de froid de chair humaine. Et grâce au maigre vent à la voix d'enfant, le sommeil est doux aux morts de Lofoten. Je ne verrai très probablement jamais ni la mer, ni les tombes de Lofoten. Et pourtant, c'est en moi comme si j'aimais ce lointain coin de terre et toute sa peine. Vous, disparus, vous, suicidés, vous, lointaines, au cimetière étranger de Lofoten. Le nom sonne à mon oreille, étrange et doux. Vraiment, dites-moi, dormez-vous? Dormez-vous? Tu pourrais me conter des choses plus drôles, beau claret dont ma coupe d'argent est pleine, des histoires plus charmantes ou moins folles. Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten. Il fait bon. Dans le foyer, doucement traîne la voix du plus mélancolique des mois. Ah, les morts, y compris ceux de Lofoten, les morts, sont au fond moins morts que moi. Fin du poème, enregistré par Izad, en 2022. Cet enregistrement fait partie du domaine public.